si la valeur de son sang. Il est mon Dieu et je lui appartiens pour toujours. Nul ne peut m'arracher de sa main. Je n'ai tourné mes yeux que vers le Père d'amour, et j'y chanterai toujours que son nom Jésus, de ce temps jusqu'au soir de ma vie. Viens le mettre.